Cher en allemand se dit teuer. Teuer. T-E-U-E-R. À vous. Teuer. Teuer. C'est vraiment le son oi, comme dans Tolstoï. Teuer. Teuer. Teuer. Comment direz-vous c'est très cher? Es ist sehr teuer. Es ist sehr teuer. Reprenons maintenant « Nous ne l'achèterons pas, car c'est très cher. » Nous ne l'achèterons pas. Wir werden es nicht kaufen. Oui, d'accord. Wir werden es nicht kaufen, car... Denn. C'est très cher. Es ist sehr teuer. Très bien. Wir werden es nicht kaufen. Denn es ist sehr teuer. Et comment dira-t-on « Nous l'achèterons, nous allons l'acheter, car nous voulons l'avoir. » Wir werden es kaufen, denn... Bien, wir werden es kaufen. Denn... Denn, oui, nous voulons l'avoir. Wir wollen es haben. Bien. Wir werden es kaufen, denn wir wollen es haben. Nous allons l'acheter, encore une fois? Wir werden es kaufen. C'est ça. Donc, wir werden es kaufen, nous allons l'acheter, ou encore nous l'achèterons. En français, on a en effet deux manières d'exprimer le futur, alors qu'en allemand, c'est dans les deux cas werden. Encore une fois, comment diriez-vous « car nous voulons l'avoir » Denn wir wollen es haben. Bien. Denn wir wollen es haben. Très bien. Vous voyez que pour exprimer le futur en allemand, vous pouvez aussi utiliser un présent. Par exemple, en allemand, il est parfaitement correct de dire « je vous vois demain ». Comment diriez-vous « je vous vois demain » ? Ich sehe Sie. Demain. Morgen. Bien. Ich sehe sie morgen. Ich sehe sie morgen. De la même manière, pour dire « nous l'achèterons demain », vous pouvez aussi dire « wir kaufen es morgen », c'est-à-dire « nous l'achetons demain ». C'est ce qui explique d'ailleurs que les Allemands ont tendance, en français, à beaucoup utiliser le présent pour des actions futures. Donc, encore une fois, pour exprimer le futur en allemand, vous pouvez utiliser le présent ou « werden ». Comment direz-vous « nous allons l'acheter » ? Nous l'achèterons. Wir werden es kaufen. Wir werden es kaufen. Vous allez l'acheter? Vous l'achèterez? Sie werden es kaufen. Sie werden es kaufen. Je vais l'acheter. Je l'achèterai? Ich werde. Ich werde. Ich werde es kaufen. Ich werde es kaufen. Pour il va l'acheter, il l'achètera, il faut utiliser wird. Wird. Ça s'écrit W-I-R-D. Wird. Donc, au futur, avec il ou elle au singulier ou ça, il faut employer wird. Wird. Ça s'écrit W-I-R-D, mais se prononce wird. Car le D en fin de mot se prononce Donc, on a le son « t » à la fin du mot, comme dans « er ist », qui veut dire « il est ». « Il », « il » au singulier, se dit « er ».« Er », ça s'écrit « er »,« er ». Maintenant, comment diriez-vous « il l'achètera » ? « Er wird » Pas « wird », mais « wird ».« Wird », le « d » final se prononce « comme on l'avait déjà vu avec Abend, soir. Alors, il va l'acheter? Er wird. Bien. Er wird es kaufen. Encore une fois? Er wird es kaufen. Bien. Er wird es kaufen. Il va l'acheter. Il l'achètera. Voyons. Comment dit-on bientôt? Bientôt bald. Bald. Bald, c'est bientôt, oui. Et donc, il sera bientôt ici? Wird bientôt ici? Bald hier sein. Bald hier sein. Il sera bientôt ici. Wird bald hier sein. Et pour dire elle sera bientôt ici, elle se dit sie. S minuscule IE. Donc on a sie avec un S majuscule qui veut dire vous, le vous de politesse, et sie avec un S minuscule qui veut dire elle au singulier, mais aussi il ou elle au pluriel. Mais vous et il ou elle au pluriel sont suivis par la même forme du verbe, alors que elle au singulier est suivie de la même forme que il au singulier. Alors, elle sera bientôt ici se dit sie wird. Non, non. Pas « wird », mais « wird ».« Wird », oui, encore une fois. « Sie »« wird ».« Wird », d'accord. Donc, « elle sera bientôt ici ».« Sie wird bald hier sein ». Bien. « Sie wird bald hier sein ».